Piste 26. Exercice 3. 1. Elle est chinoise, il est chinois. 2. Elle est française, il est français. 3. Elle est italienne, il est italien. 4. Elle est allemande, il est allemand. 5. Elle est marocaine, il est marocain.